Vendredi 10 février, bienvenue à l'émission Les Différents sur les ondes de CKRL au 89.1. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Ce matin, on parle... c'est à ma demande que j'ai fait une demande en fait à mon invité pour pouvoir aborder ce sujet-là, qui est un sujet qui est tabou, on ne se le cachera pas. Dans le fond, être parent, ça s'apprend en le devenant. Il n'y a pas de parents parfaits, ça n'existe pas. On peut être parent poule, parent aimant, protecteur, mais la plupart du temps, c'est pour le bien de l'enfant. Par contre, il existe un autre type de parent, et c'est ceux-là qui est question ce matin, qu'on le nomme narcissique, égocentrique ou manipulateur. Le parent, qu'on peut appeler aussi toxique, nuit au développement de l'enfant. Et ce que j'aimerais aussi qu'on aborde ce matin, c'est comment ces enfants de parents toxiques grandissent. Ils deviennent des adultes dans la société? Qu'est-ce que ça en fait comme type d'adulte? Et puis pour nous en parler, je reçois mon collaborateur que ça faisait longtemps que j'avais reçu, Denis Viel. Bonjour Denis. Bonjour, merci de l'invitation. La porte est toujours ouverte pour toi Denis, tu le sais, puis je t'ai demandé d'aborder ce sujet-là, de faire je sais que t'es calé là-dedans dans tout ce qui a rapport avec la psychologie. Mais là, on parle vraiment d'un sujet qui est tabou. Est-ce que c'est encore tabou, premièrement? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi à qui j'ai parlé du sujet, qui ont fait « Oh, wow, oui, c'est vrai, c'est intéressant », mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent d'eux-mêmes, en fait. C'est délicat d'aborder la dimension parentale en partant. Mm-hmm. C'est quoi un bon parent? Quand on mélange les éléments culturels aussi, où il y a des normes différentes selon les cultures, et ça appartient à la sphère privée. Dans certaines cultures, c'est tout un village qui doit élever l'enfant. Ça fait partie d'une mission communautaire. Mais ici, c'est plus individualiste. Ça appartient beaucoup à la sphère privée. Mm-hmm. Et viens pas dire à un parent qu'il pourrait peut-être faire mieux. Non. Parce que ça va créer des réactions. On a un fond religieux, qu'on le veuille ou non, qui fait partie de notre culture, où on disait « Père et mère, tu honoreras ». On est élevé avec cette mentalité-là depuis combien de générations? Ça fait des siècles qu'on a ça dans notre culture. C'est sûr que la culture religieuse n'occupe plus autant de place, du moins pour le christianisme dans notre culture, mais il en reste pas moins qu'il y a comme un caractère sacré à la dimension parentale. Et puis, il y a aussi tout le discours, on dit, c'est pas évident d'être parent tout court, donc n'en rajoutons pas, ne mettons pas plus de pression, les parents doivent faire face à tellement de difficultés reliées au travail, reliées à la vie quotidienne, plus les enfants, rajoute la séparation, t'es monoparental, bref, il y a un aspect où... supportons les parents, mais n'essayons pas trop de critiquer. Oui. Il y a beaucoup de pression aussi, de pression sociale qu'on voit. Qu'on prenne juste, par exemple, les réseaux sociaux, ces choses-là, on peut en parler longtemps. Il y a même, sans faire de publicité pour eux, mais un certain Gruau avec un monsieur dessus qui s'appelle Quaker, où est-ce qu'il y avait une campagne dernièrement qu'on voyait, que je me rappelle pas le titre de la campagne, mais on voyait... oui, il y a le cadre de la photo, mais il y avait auto, où est-ce que oui, ça pouvait être le bordel, et puis on est des parents normaux, on est normaux, puis c'est pas parfait chez nous. Donc, les réseaux sociaux qui projettent beaucoup la perfection, tout ça. Il y a une infirmière, quand j'ai eu ma fille, qui disait, évidemment, c'est le bordel, dans les... Quand tu as un bébé dans la maison, de l'adaptation et tout ça. Mais l'infirmière disait, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on prend soin du bébé. Et ça veut dire qu'il y a de l'amour dans la maison. On passe plus de temps, c'est vivant au moins, puis on passe plus de temps à s'occuper des enfants qu'à faire le ménage. C'est quand même mieux. Exactement. Tu voulais aborder aussi au niveau de il y a le parent toxique, il y a le comportement toxique. C'est deux. Premièrement, qu'est-ce qu'on appelle toxique? Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de comportement, de caractère toxique ou... Le mot toxique, hein, on le dit, ça le dit, c'est poison. Mm-hmm. Idéalement, on ne le consomme pas. Idéalement, donc, ce sont des comportements, des attitudes qu'on ne devrait pas retrouver dans un contexte d'éducation des enfants. Maintenant, on le disait en début... Là-dessus, déjà, tout le monde est d'accord. On disait au début, il n'y a pas de manuel d'instruction qui vient avec l'enfant. Et on a tous une histoire, on a tous un passé. Nos parents n'étaient pas parfaits. On a appris des choses, on a eu des blessures. Évidemment, quand on a un enfant, on souhaite donner le meilleur de nous-mêmes, mais il est possible qu'on ait des attitudes, des comportements qui ne sont pas aidants. Ça ne veut pas dire qu'on est un parent toxique pour autant. Ça veut juste dire que on cherche à faire le mieux possible, mais ça se peut qu'on ait certaines attitudes qui ne soient pas aidantes. Par exemple, j'ai tendance à être un peu trop papa poule. Quel est l'effet sur mon enfant, c'est sûr que en étant trop protecteur, je ne lui permets pas de faire face à différentes difficultés, à développer sa propre confiance, à faire face aux problèmes. Donc, j'en suis conscient. je me corrige, je me regarde aller. C'est ça être parent, c'est être capable de se voir aller, de voir où sont nos zones de fragilité, nos zones de compensation et d'essayer de faire différemment. Mais pour ça, faut être à l'écoute des besoins de l'enfant et attentif à son développement. Mais ça, ce que tu viens de décrire, c'est un comportement qui peut être toxique, mais qu'à la base, le but, c'est pas d'être toxique quand on parle d'un parent poule, par exemple. Non, fondamentalement, on veut, selon le comportement, on veut que l'enfant aille bien, que ça se passe bien pour l'enfant. Mais on doit parfois désapprendre des choses. Il y a actuellement une expérimentation qui se fait à travers les CLSC, différents centres communautaires, ce qu'on appelle la formation triple P, pratique parentale positive. Qu'est-ce que c'est? C'est une formation, il y a des conférences, mais il y a aussi un volet formatif qui veut aider les parents à développer des bonnes attitudes, les bonnes pratiques parentale pour permettre à l'enfant de se développer le plus adéquatement possible. Et je trouve ça extraordinaire qu'enfin, on réalise qu'il faut former les parents. OK. Des parents ont besoin d'être formés. Ça va pas de soi. On va demander... Il y a beaucoup de livres déjà là, qui existent sur la parentalité. Oui, mais c'est pas comme une formation. C'est pas comme être en situation d'observation et on regarde des problèmes qu'on vit concrètement pour voir c'est quoi mon effet, comment comme parent je contribue au problème. Hein? Dans le fond, l'enfant, lui, il est en apprentissage. Hein? Mais ça prend déjà une ouverture du parent pour faire exactement. Exactement. Et c'est ce qu'un parent de type toxique ou de type narcissique, je préfère le mot narcissique, n'aura pas. OK. Un parent dit normal, il est habité par le souci du bien-être de son enfant et de faire le mieux possible. Le parent narcissique, on va le définir un peu plus loin, il est incapable de se mettre dans cet état-là centré sur le bien-être de l'autre. Mm-hmm. Hein? Tout est centré sur la perception du parent. Tout est centré sur le besoin du parent et non pas sur le besoin de l'enfant. Ce que je voulais compléter, donc on commence à dire, ça prend des formations pour les parents. Je trouve que c'est le temps, plus que temps. On va demander des diplômes d'études secondaires, on va demander des diplômes d'études professionnelles pour des tâches qui sont assez simples en général, qui ne demanderaient pas nécessairement, à mon avis, un diplôme obligatoire pour accéder à un emploi. Par contre, on ne prend pas pour acquis que peut-être les parents ont besoin d'être aidés aussi et d'être formés à être parents, comme si ça allait de soi. Ça fait partie des tabous, hein, d'admettre que les parents ont besoin. Chaque enfant est différent. Oui. Chaque enfant. Je sens le mec qui s'en vient. Chaque enfant est différent. Chaque parent est différent. Aussi, oui. Mais il y a un élément de base quand même, c'est que le rôle de parent, c'est être capable de mettre en place la structure adéquate pour supporter la croissance. Ça demande une attitude d'empathie envers l'enfant, c'est-à-dire d'être capable d'identifier les besoins de l'enfant, justement pour s'adapter aux différences. Si je suis centré sur une méthode, une approche unique, liée à l'apprentissage, par exemple, puis que j'applique la même formule à tous les enfants, c'est sûr que là, on a un problème. Ça marche, tout enfant est différent. Mais par contre, chaque enfant a des besoins et on peut développer notre capacité d'entendre les besoins, de les comprendre. Et là, on va avoir une réponse adaptée à chaque enfant. J'aurais aimé qu'on aborde aussi, là on vient d'aborder le fait que il y a un comportement toxique qui fait que on n'est pas nécessairement un parent toxique. Si on parle de la définition de ce que c'est que un parent toxique, qu'on l'appelle manipulateur, égocentrique ou narcissique, par exemple, où il y a d'autres, il y a tellement d'autres termes aussi là, qu'on peut utiliser. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'aimerais ça qu'on situe les gens vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par toxique, qu'est-ce qu'on entend par narcissique, tout ça. C'est quoi exactement ce type de comportement-là? C'est-tu un trouble? Qu'est-ce que c'est? Dans la littérature, on va trouver que c'est un problème d'ordre psychiatrique, un problème de personnalité. D'accord. On évalue qu'actuellement, 2 à 3% de la population aurait ce profil de type narcissique. Donc, pas juste le fait d'être parent. D'abord, en disant que c'est une structure de personnalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas le fait d'être parent qui nous rend manipulateurs ou narcissiques. Non. On l'était avant de devenir parent. Ça, c'est important de le préciser. Exactement. Que l'enfant déclenche. Un enfant, c'est un être en besoin. C'est un être dépendant des adultes qui s'en occupent. La personne narcissique, malsaine sur le plan narcissique. Oui, parce que plus tard, on va en parler du narcissisme sain et malsain. Exactement. On va départager aussi. Oui. Donc, la personne qui a un narcissisme malsain, si elle a un enfant, on lui demande de prendre soin de quelqu'un d'autre. Il y a un autre nombril à s'occuper. Exactement. Je pourrais résumer ça, en fait. Et c'est extrêmement difficile pour cette personne-là de prendre soin adéquatement sur un plan... on va amener d'autres nuances, mais c'est difficile de répondre adéquatement aux besoins d'un enfant quand notre structure de personnalité... Et ces personnes-là ne sont même pas conscientes de ça, mais quand notre structure de personnalité est centrée essentiellement sur répondre à nos besoins personnels, imposer notre vision du monde, imposer notre attirer toute l'attention sur soi. Une personne narcissique va être le centre. Parce que de prendre soin de soi, à la base, c'est pas d'être égocentrique. Non. C'est ça. Tout est une question d'équilibre. Je veux pas faire paniquer personne, là. Que personne dise, ah, mon Dieu, je suis un narcissique parce que j'ai pris 2 heures pour penser à moi hier. Non, c'est une question d'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Mais dans un groupe aussi, ce type de personnalité-là va souvent être le centre d'attention. Et même quand elle n'est pas là, on va en parler. On va en parler parce que c'est une personne qui, oui, elle prend de la place, mais elle blesse. Elle blesse cette personne-là. C'est rare que c'est conscient, c'est ça? Exactement, c'est pas conscient. C'est ça. On parle d'une... Ça peut être conscient, mais c'est plutôt rare, en fait. Une personne qui serait vraiment consciente d'un narcissisme malsain et des conséquences voudrait changer. Ben oui. Se remettrait en question. Et c'est extrêmement difficile. J'ai lu à plusieurs reprises que c'était extrêmement difficile de travailler sur un plan psychologique ou d'accompagnement avec ce type de personnalité-là parce que faire un cheminement, c'est se remettre en question. Ces personnes-là ont énormément de difficultés à se remettre en question. Elles sont persuadées que leur perception des choses est la seule bonne et unique. On peut dire, dans le fond, que c'est tout est de la faute des autres, mais pas d'eux. Est-ce que ça, c'est un trait? Ça pourrait être un trait, exactement. Exactement. Tout à fait. On va prendre le temps de préciser un peu ce qu'on parle comme c'est quoi du narcissisme. D'abord, c'est quoi un narcissisme sain? On va commencer là. Dans le fond, un narcissisme sain, c'est une estime de soi qui est construite à l'intérieur de soi. Mm-hmm. On reconnaît nos valeurs, notre valeur comme être humain, indépendamment des échecs, indépendamment des difficultés qu'on rencontre. Une personne qui a un narcissisme sain, elle a une relation empathique avec elle-même. Elle se comprend. Mm-hmm. Elle reconnaît ses forces, elle reconnaît ses fragilités. Et cette reconnaissance en l'autre de cette valeur, en soi-même de cette valeur humaine-là, fondamentale, elle est capable de la reconnaître aussi chez l'autre. OK. C'est un narcissisme qui est construit sur « je suis une bonne personne mm-hmm. ». Ce n'est pas ce que je fais qui me définit. Ce n'est pas mon argent qui me définit. Ce n'est pas la gloire qui me définit. C'est ce que je suis, fondamentalement. Et cette personne-là va avoir généralement la même attitude envers l'autre, avec des nuances évidemment, selon l'histoire de chacun, les blessures de chacun, on réagit, mais... On pourrait dire le narcissisme sain, on pourrait quasiment dire que c'est pratiquement de la fierté aussi, sans vouloir écraser les autres, on peut être fier de ce qu'on fait, non? J'aime mieux utiliser l'amour de soi que fierté. Ah oui? On se reconnaît, on s'accueille, et on a une relation, je dirais, tendre avec soi-même. Mm-hmm. Et on est capable de cette capacité-là avec les autres. On est capable d'écoute de soi, de compréhension envers soi, on est capable de se pardonner, on est capable aussi de s'auto-corriger, sans que ça nous bouleverse, sans qu'on se sente dévasté. Mm-hmm. Par une erreur dans une relation où, on reconnaît, puis on fait un bout de chemin avec ça. La personne qui a un narcissisme malsain, on va parler d'un narcissisme de compensation. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au fond d'elle-même, elle se voit pas si bonne que ça. Ah oui. Mais c'est enfoui. Mais c'est des gens qui dégagent beaucoup de confiance, qui démontrent beaucoup de confiance. Est-ce qu'ils en ont vraiment? Ça, on le sait pas. C'est que, encore là, on parle bien d'éléments psychiatriques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de refoulés là-dedans. C'est-à-dire que la blessure interne est tellement importante qu'ils ne veulent pas la sentir, parce que s'ils la sentent, ils vont s'écrouler. OK. OK. ça va les amener, entre autres, donc, à compenser. La profession, le statut va devenir important. Le standing, vraiment le statut social, oui. Professionnel. Le fait de ne pas être pris en faute, de ne pas perdre la face, mm-hmm. va devenir important. Oui, parce que j'imagine que quelqu'un qui est narcissique, si on la reprend sur, admettons, on est au travail, si on reprend cette personne-là, c'est sûr et certain que ça se peut qu'on passe un mauvais quart d'heure un petit peu plus tard. Vous êtes peut-être pas sur le coup. Vous vous êtes peut-être fait un ennemi. C'est, ouais. Elle va reprendre sa revanche, probablement. Elle va chercher à vous faire... Avec le sourire. Elle va chercher à vous faire perdre la face aussi. OK. À vous prendre en faute. Je te laisse continuer. Donc, la réussite matérielle peut être importante. La quête de pouvoir, ça peut être quelque chose d'important pour compenser. La projection d'une image plus ou moins grandiose, dominante. L'individu se met au centre de ses préoccupations. Mm-hmm. Et ça peut être au détriment de l'autre. La capacité d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre et de comprendre de façon, je dirais, ce qui se passe à l'intérieur de l'autre de façon positive. C'est-à-dire, il peut y avoir une forme d'instinct pour comprendre ce qui se passe chez l'autre, mais c'est pour l'utiliser. Hein, dans un but de manipulation ou de domination. Une personne empathique ne voudra pas, parce qu'elle saisit le monde intérieur de l'autre, ne voudra pas nécessairement l'utiliser pour dominer, manipuler, faire pression. Elle est dans une optique de compréhension de l'autre, mm-hmm. de sollicitude. La personne narcissique n'a pas de sollicitude, sauf si ça remplit l'objectif de faire du bien à son image. Un trait commun qu'on peut voir au niveau de la personnalité, le narcissique, j'aimerais ça si tu pouvais un petit peu m'en parler. Je suis pas mal sûre, c'est peut-être pas sur tes notes, Denis, mais tu me le diras. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent des gens... comme tu disais, qui ont de la difficulté à mettre les souliers des autres, tout ça. Mais dans le fond, c'est comme tu expliquais, c'est un manque de confiance en soi. Pourquoi on se bâtirait... Cette personnalité-là. Oui, pourquoi on se bâtirait toute une structure... touchant l'image et la réussite et l'absence d'échec, et qu'on vivrait mal l'échec si, justement, à l'intérieur de soi, ça ne nous met pas en contact avec une fragilité fondamentale. Mm-hmm. Hein? Je vais peut-être ramener de mauvais souvenirs, mais l'affaire Turcotte. Oui. Comment une personne peut en venir... à vouloir tuer ses enfants suite à une rupture amoureuse. C'est parce que fondamentalement, il y a une blessure narcissique profonde. La séparation entraîne le désir de mourir, mais en même temps, c'est une défaite. La personne la quitte pour un autre. On n'accepte pas de perdre, c'est ça? On n'accepte pas de perdre la face. Le standing que tu parlais, la famille, les deux enfants, la conjointe. Oui. Et alors, la conjointe... Ça revient à ce que tu disais, là, deux minutes. Là. Exactement. Alors, c'est non seulement « je veux mourir parce que j'ai trop de peine », c'est pas ça. « Je veux mourir parce que j'ai perdu la face », mais quant à perdre, je vais m'arranger pour faire... mal à celle ou celui qui m'a battu ou qui m'a attaqué dans mon estime le plus possible. Quant à, hein, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il perd la guerre, mais au lieu de se rendre, s'arrange pour faire le plus de dommages possible en mourant. Mm-hmm. C'est un peu ça. Ou en faisant semblant, mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est un peu ça. Si on regarde l'affaire Turcotte, il y a un enjeu majeur. Il n'y a pas d'amour, là. Il n'y a pas d'amour pour ses enfants. Il n'y a pas d'empathie pour ses enfants à ce moment-là. Ça m'amène à la question, est-ce qu'un narcissique, égocentrique, bon, on ne renommera pas tous les noms, là, mais prenons narcissique pour résumer tous les types qu'on parle depuis tantôt. Narcissique, peu importe, est-ce qu'il est capable d'aimer? Est-ce que c'est une personne qui est capable d'aimer sincèrement? Ou est-ce que ça se peut aussi qu'il y ait le sentiment d'aimer? Oui, oui. Mais il ne sait pas c'est quoi. Exact. C'est quoi ce sentiment d'amour-là? Puis j'aimerais ça qu'on commence à l'aborder, mais on va revenir après la pause aussi, si tu veux qu'on l'aborde. Oui, d'abord, il faudrait définir c'est quoi l'amour. On a Denis, j'ai pas 2 heures. Ça prendrait plus que 2 heures. Je sais. Les philosophes. Je dirais, est-ce que cette personne-là est capable de se donner sans rien attendre en retour? Est-ce qu'on peut poser cette question-là comme ça? La poser, c'est y répondre. Hein? Voilà. Est-ce que cette personne peut s'attacher à quelqu'un sans arrière-pensée d'obtenir quelque chose? Est-ce que, ouais, dans le fond, ça, le narcissique utilise... C'est un marchand. On peut-tu le décrire comme un marchand? On pourrait dire que c'est une personne qui a de la difficulté à voir les autres comme un être humain, mais bien plus comme un objet. Ils sont utiles. Voilà. Okay. La relation va fonctionner tant et aussi longtemps que le partenaire répond aux attentes narcissiques. Et là, si on retourne vers les enfants, on va prendre une pause et justement, j'aimerais ça qu'on continue sur le sujet en sachant que la personnalité narcissique, manipulatrice, attend toujours quelque chose en retour. Au niveau des enfants, ça doit mettre une sacrée pression. L'enfant ne se sent jamais adéquat. On va en parler après la pause. On revient tout de suite. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent est jusqu'à... pas 11 heures. Le sujet est tellement lourd ce matin, on prend 1 heure de plus. Non, on est là jusqu'à 10 heures. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook si vous voulez continuer la conversation. À partir de la page Facebook, vous pouvez aller sur notre dernier post où est-ce que je parlais de qu'est-ce que c'était qu'on était pour aborder ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'un... pas un enfant narcissique, mais un parent narcissique, un parent toxique. Et c'est le sujet de ce matin. J'ai avec moi Denis Viel qui, avant la pause, Denis, on a parlé du fait qu'une personne narcissique, parce que là, on parle du rôle de parent pour un narcissique, qu'est-ce que c'est? Mais on a quand même bien établi qu'est-ce que c'était avant la pause de ce que c'est qu'un narcissique, un parent toxique, bon... égocentrique même, puis manipulateur. On a été dans tous ces termes-là qui sont un petit peu différents, mais que ça se regroupe pas mal. Avant la pause, on disait que c'était plus, je te disais, c'était un marchand. Il va plus aller dans les transactions. C'est pas quelqu'un qui aime nécessairement. Puis, il est pas au courant. Et puis, qu'est-ce que ça fait en tant que parent, vu que lui, il est toujours dans le côté marchandise, transactionnel. Il est vraiment, moi je le vois comme ça, là, l'image que je m'en suis fait là, du narcissique, c'est pas mal comme quelqu'un qui va faire des transactions à la banque. Il n'y a pas de cœur là-dedans qui est impliqué, c'est la tête, c'est je vais te donner quelque chose, mais redonne-moi-le en retour. Je me trompe? Je trouve ça doux. Ah oui? Comme analyse. Oui, il y a ce caractère-là. Il faut rajouter que c'est pas des transactions gagnant-gagnant. Non. Ça, hein? C'est des transactions où le narcissique veut avoir l'avantage. D'accord? Même quand il donne, il veut l'avantage. Exact. Il va donner le minimum pour bien paraître. d'une part, et pour faire sentir l'autre inférieur, inadéquat. Hein, va utiliser la notion de dette, par exemple. Mm-hmm. Hein, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que je t'ai donné, je comprends pas pourquoi tu me traites ainsi. Hein? Alors qu'il s'agisse, par exemple, d'un enfant devenu jeune adulte qui veut simplement prendre sa vie en main et partir de ses propres ailes. Hein? On comprend que tout est analysé pour le narcissique à partir de sa propre position. Tout le monde me doit tout, si je comprends. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui n'existe, qui existe. Il n'y a que moi qui a... je dois avoir ton attention, je dois avoir ta considération, tu dois faire des choix en fonction de ce qui me convient. Et si tes choix de vie ne me conviennent pas, je vais me positionner en opposant ou en victime, ou je vais tenter par différents jeux affectifs de te faire sentir que tu ne fais pas les bons choix. Ça, c'est bien que tu viens d'apporter un mot qui s'appelle victime. Oui. Parce que souvent, on a l'image de la personne manipulatrice qui est rough, là. Tu sais, on a quasiment une image de patron, de tyran, de... Mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Il y a des manipulateurs, je disais, qui pouvaient ne rien dire et très bien manipuler. Parce que ne rien dire, c'est aussi affirmer quelque chose. Mm-hmm. Donc, mais on a souvent l'image, là, tu sais, de la personne là, qui est méchante. C'est pas cruel, là. On n'est pas là-dedans. Ce type de parentalité, là, tu sais, on parle pas d'abus sexuels, on parle pas de violence physique, on parle pas de dépendance aux drogues. Oui, il peut y avoir de ces éléments-là. Mais ce n'est pas la fondamentale. On n'est pas nécessairement un narcissique parce qu'on a une dépendance à la drogue ou à l'alcool ou c'est pas ça. Non, c'est pas ça que tu dis. La personne narcissique peut de l'extérieur paraître tout à fait normale. Pour les gens à l'extérieur qui ne vivent pas le quotidien, ça peut être quelqu'un hop la vie là, super en apparence, super de bonne humeur, exact. Tout ça, puis mais toujours qui dans les relations intimes joue un jeu complètement différent. C'est souvent du un à un. Oui, rarement devant les autres. C'est rarement devant témoin. Oui. Donc, quand un enfant est avec un des deux parents, parce que là, on va y aller au minimum là, avec un parent, parce qu'il peut en avoir deux aussi, puis deux types de narcissisme différents aussi. Généralement, la personne narcissique va pas aller chercher un autre narcissique. Non, non, c'est ça. Mais ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. J'ai pas été témoin de ça. Super. Moi, je suis témoin. Tu me rassures d'un côté parce que pauvre enfant. Mais bon, dans ma pratique, c'est un ou l'autre des parents qui a cette structure-là de fonctionnement. Ouais. Quand il y en a un des deux qui agit comme ça et que l'enfant se retrouve seul avec cette personne-là, seul avec ce parent-là, que ce soit un père, que ce soit une mère. D'ailleurs, on peut pas définir, hein, si c'est plus masculin ou féminin. Il y a des deux. Il y a des deux. Ben, c'est ça. Il y a des études aussi qui il y a des deux. Qui se contredisent là-dedans. Que ce soit un des deux parents, quand l'enfant est tout seul avec, comment ça fonctionne? Évidemment, l'enfant devient un objet transactionnel vis-à-vis l'autre parent. Okay. Mettons dans un contexte de séparation ou de conflit post-séparation, l'enfant peut être pris en otage là-dedans. L'enfant peut avoir à entendre ce qu'on appelle de l'aliénation parentale. Okay. Le parent narcissique n'aura pas peur de dévaloriser l'autre parent ou de faire passer l'autre parent comme, justement, manipulateur, méchant, à son endroit. Okay? OK? Il va avoir un des indices, c'est l'aliénation parentale. OK. D'accord? Mais si on parle, le couple est ensemble. Comment ça se passe quand l'enfant fait une activité avec un des deux parents? On parle pas de la transaction, de la séparation, là, si on peut appeler ça. Un des éléments du parent narcissique, c'est la dévalorisation. Okay. Hein? Comment il agit avec son enfant? C'est ça que je veux savoir. Il va être critique envers l'enfant, peu importe ce que l'enfant fait. Il va, oui, peut-être reconnaître les succès de l'enfant, mais en les mettant en comparaison avec les siens au même âge, par exemple. Ou de lui-même, est-ce que Oui, ça se oui. peut? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qu'on remarque, là, c'est que Mais est-ce qu'il peut aussi se comparer à lui, à son âge, avec l'enfant? Mettons oui, qu'il y a... c'est. C'est ça, c'est ça. Oui, OK. il y a une compétition. Donc, il y a une compétition autant avec les autres enfants, les autres parents, que Oui, lui-même quand il était oui. jeune, c'était Le mieux. parent narcissique, par exemple, mettons que l'enfant joue au hockey. Le parent narcissique va être très exigeant envers son enfant au niveau de la performance. Et si l'enfant n'a pas la performance souhaitée, l'enfant va le savoir. Les choix de l'enfant, s'ils ne correspondent pas à ce que le parent souhaite, admettons qu'on a un parent narcissique qui était très sportif dans son enfance, il va souhaiter que son enfant suive les mêmes traces. Il va souhaiter un mini-moi. Hein? Il Ouais, va on souhaiter le voit souvent ce terme-là, justement. Faire de son enfant Ouais. un mini lui-même. Ouais. Mais c'est impossible, il y a une illusion, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et si l'enfant, mettons, S'il est complètement à ben, l'opposé s'il du est plus parent, intellectuel que sportif, plus artistique, ça se peut-tu qu'il y ait plus de pression que celui qui serait né qui est plus sportif, mettons, avec ce même ben, il parent-là? va, l'enfant qui ne correspond pas aux attentes du parent à ce moment-là va recevoir beaucoup plus de culpabilisation, de comparaison négative, on va semer le doute. Puis, celui qui est identique aux parents peut aussi avoir le même vécu, dans le sens qu'il va avoir de la pression Il va avoir de la aussi. pression, mais... Fait qu'on soit pareil ou pas pareil aux parents narcissiques, dans le sens, admettons, des intérêts dans la vie, tout ça. Un exemple, on prend cet exemple-là. Peu importe qui ait le même talent ou intérêt artistique ou sportif que le parent, qu'il l'ait ou pas, Le traitement il va se sera... faire taper sa tête Non, d'une manière c'est-à-dire ou que d'une autre. le traitement va être différent. Ah oui. Parce, tu vois, moi, je voyais que c'était... Le traitement va être différent, mais va quand même remplir une fonction narcissique. OK. Vois Là, tu comme, réponds à ma question, oui. regarde comme tu me ressembles. Mais s'il réussit mieux que le parent, qu'est-ce que ça fait? Ça fait-tu des flammèches? Ça Ça fait des flammèches avec lui, mais devant les étrangers, il va se vanter? ah, il va utiliser les réussites de l'enfant pour OK. se valoriser, mais il est possible que quand l'enfant amène une réussite à la Ouais. maison, le parent, tout en reconnaissant, c'est un bon résultat, mais tu aurais pu faire mieux. Mais à ton âge, je réussissais mieux. Mais il y a un mais qui vient comme briser à quelque part le succès, qui vient comme semer un doute. Ah, c'est pas si bon que ça finalement. Ouais. Ça vient donc l'estime de C'est soi. toujours de jouer dans le doute, hein? C'est toujours de manipuler le cerveau, puis l'estime de la personne. C'est tout le C'est parce temps. que y a une compétition. L'enfant devient un compétiteur pour le narcissique. On parlait tantôt de que c'était un problème psychiatrique. On s'entend quand on dit problème psychiatrique, c'est pas, on n'est pas en santé là. On n'est pas en santé mentale en tout cas. Ça fait des répercussions, ça fait des vagues. Cet enfant-là, c'est quoi les traces qu'il peut Ça avoir en va vieillissant? dépendre. Oui, c'est sûr, c'est du cas par cas, comme le narcissiste, c'est du cas par cas, là. Je dirais Je comprends. il y a trois options globales. Hein, on peut, c'est un Ah, continuum, écoute, OK? oui, c'est... Mais c'est comme face à n'importe quelle agression répétitive. Hein, parce que un des facteurs, hein, pourquoi on dit toxique, c'est parce que c'est répétitif, c'est récurrent, c'est constant dans le temps. Hein, c'est une attitude globale constante dans le temps. C'est pas un acte qui arrive en situation de crise ou d'impatience. C'est un mode de fonctionnement continu. Mm-hmm. Alors, c'est comme si l'enfant pouvait se retrouver en dévalorisation permanente dans sa relation avec le parent, par exemple. Ouais. Bon, il y a deux. Déjà, on peut identifier deux façons de réagir à ça. C'est-à-dire, je peux, en vivant cette impuissance-là, parce que l'enfant vit de l'impuissance, vit beaucoup de culpabilisation, vouloir compenser cette impuissance-là, me sentir puissant, et donc je vais m'identifier à l'agresseur qui semble puissant. Donc, il est possible qu'un parent narcissique, de par son attitude, amène son enfant sur le chemin de la compensation narcissique. Mm-hmm. Hein, la blessure créée à l'enfant, ben, ça se peut que la même stratégie soit appliquée par l'enfant. Ça, c'est une façon. Une façon. L'autre façon... C'est une des répercussions. Possible. Ça peut être que l'enfant devienne narcissique à son tour. C'est une possibilité. Parce qu'il le prend en modèle. Parce que le parent présentant des éléments de puissance, l'enfant vivant de l'impuissance va vouloir vivre de la puissance. Il va donc chercher un modèle de puissance. Il va aller chercher l'équilibre de la puissance vers... C'est ça. Okay. Il va compenser. Et à l'école, on va pouvoir l'observer, on a des enfants qui sont très dévalorisants vers d'autres enfants. Mm-hmm. Qui vont attaquer l'estime, qui vont attaquer l'image. Qui peuvent intimider, mais le narcissique va dévaloriser pour être supérieur. Autrement dit, il va peut-être plus harceler qu'intimider. Exact. Ça va être plus du harcèlement moral. Exact. L'autre réponse possible, c'est que je peux être en réaction. Ouais. Et ne pas vouloir être comme le parent toxique. Donc, je vais développer des attitudes, des comportements complètement inverses. Donc, on parlait d'empathie que le narcissique n'avait lui, il va l'avoir au maximum. Ça peut être à l'opposé, autant. Et on peut parler d'une hypersensibilité même à la situation des autres, à la souffrance des autres, parce que l'enfant, en grandissant, n'a pas compensé sa souffrance, il l'a à quelque part reconnu, reçu, subi, mais l'ayant vécu, ne veut pas la faire subir à l'autre, d'une part, et devient sensible. Est-ce qu'il y a confiance en lui, celui-là? Il y a une fragilité. Donc, même le premier qu'on parlait, qui peut devenir narcissique, n'a pas confiance en lui. Sauf qu'il va compenser. Il va compenser d'une autre façon. Le deuxième qui développe une hypersensibilité qui veut vraiment pas... Là, on parle des modèles que tu nous donnes, puis je sais qu'il y en a plein d'autres modèles. Le deuxième, lui aussi, il va manquer de confiance, même s'il veut... Il va avoir... Parce qu'il n'a pas été... Mais sa sensibilité lui ouvre des portes au cheminement. OK. Sa sensibilité, sa conscience de lui-même... La conscience de ce qu'il a vécu, peut-être? La conscience de ce qu'il a vécu, puis la conscience de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Sa vie intérieure, il en est conscient. Mm-hmm. Ça lui ouvre des portes pour un cheminement, pour une démarche de reconstruction, de réappropriation du pouvoir de soi, de l'amour de soi, de redécouverte de sa... Dans le fond, il va avoir des deuils à vivre parce que même si le parent est narcissique, l'enfant, dans les premières années, avant qu'il soit pleinement conscient des enjeux, mm-hmm. il aime son père, il aime sa mère. Il veut lui plaire, il veut le satisfaire. Mais il y aura donc des deuils de la relation idéale à vivre. Ouais. Une fois jeune adulte, adulte, il y aura dans son cheminement, il y aura toute une reconstruction des croyances envers soi-même et envers le parent toxique. Parce que c'est pas quelque chose qu'on se rend compte naturellement. On se dit, par exemple, pour les enfants qui sont rendus peut-être au début vingtaine et qui se rendent compte, attends, il y a de quoi qui cloche avec mon parent. Exact. Un de mes parents, que ce soit ma mère, mon père, il y a de quoi qui cloche. il sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Puis comment on peut le remarquer, les signes aussi avant-coureurs? Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Les signes avant-coureurs, ça peut, est-ce que ça peut être aussi de la jalousie? Ah oui, oui, ça oui, peut oui, être oui, des oui, mensonges. Oui. Mais ça peut être de... quel est le rôle d'un parent? Le rôle d'un parent, fondamentalement, c'est de rendre l'enfant autonome. Autonome, oui, dans sa capacité de faire des choses, mais autonome aussi dans sa vie affective. Mais je vais t'amener à... Écoute, le fait que le parent soit narcissique, qui ne s'occupe pas nécessairement de son enfant, est-ce que ça ne peut pas faire, justement, quelqu'un qui est plus autonome, qui peut être plus indépendant, qui si va le se débrouiller... Si le parent narcissique est dans l'indifférence, peut-être que ça ouvre une porte, il y aura d'autres blessures, évidemment. Mais là, il faudra le découvrir par nous-mêmes, là, dans ce cas-là. Il y aura des blessures quand même, parce que l'indifférence d'un parent, c'est dévastateur aussi sur d'autres éléments. Ouais. Par contre, s'il n'y a pas une dévalorisation permanente, verbale, s'il n'y a pas... parce que c'est aléatoire. Il y en a qui peuvent y aller quasiment tous les jours, puis il y en a que ça peut être une fois par semaine. Ça peut être de temps en temps, mais toujours la petite pointe qui fait que on doute de nous-mêmes. Oui, bien, le il n'y a pas de temps. Le parent va souvent passer le message autour de « ton choix de vie n'est pas adéquat » ou « tu viens pas assez me voir, tu m'abandonnes », l'aspect victime. J'ai tout fait pour toi, oui. La culpabilité, donc ça va jouer, il joue la culpabilisation, il crée du doute, dévalorise, peut montrer de la jalousie, se pose en victime. Un des indices, c'est la zizanie, créer le conflit, favoriser le conflit. Encore là, même quand il n'est pas là. Oui, mettons que vous êtes en couple et que le parent de votre conjoint ou votre propre parent amène des choses quand vous êtes ensemble, que ça finit toujours par virer en conflit, puis ça crée de l'opposition dans votre couple ou ça crée des tensions dans votre couple. Le parent narcissique va créer des contextes où il divise pour mieux régner. Mais c'est la phrase, je pense, qui résume bien la manipulation. C'est diviser pour mieux régner. Exactement. Il crée dans la relation une impression de malaise. Mm-hmm. Ou toujours le sentiment d'être inadéquat, d'être pris en faute. Ouais. Vous avez fait quelque chose qui vous semble très bien, mais finalement, c'est comme si c'était grave, une faute, et là, vous vous sentez pris au piège. Alors que, si on s'y arrête, si on se met un peu à l'écart, on réfléchit, on va, ben non, il n'y a rien là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez souvent l'impression... Est-ce que ça se peut aussi qu'on ne soit pas capable de mettre les mots sur ce qui s'est passé? Oui, parce qu'il y a du doute, de la confusion. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est Exactement. Passé. Ça peut être un regard, ça peut être, comme on a dit tantôt, le regard peut justement aller, peut prendre position pareil, juste avec le silence et un regard. Oui, le message non-verbal ou verbal de « c'est pas correct ». Qu'est-ce qu'on suggère? Un coup qu'on s'est rendu compte de ça, qu'on a un parent, parce que là, c'est comment je peux dire ça? C'est bien touché. C'est difficile de dire... Ben, je coupe les ponts. C'est facile quand c'est un étranger, mais quand c'est nos propres parents qui sont comme ça, puis même des fois, frères et sœurs, je mère, peux les inclure. Tu honoreras. Tu reviens là-dessus encore. rajoute, père et mère, tu honoreras s'ils méritent ton respect. Bien dit. Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce qu'on peut faire? On a donc à faire une catégorie psychiatrique. Hein? C'est difficile, cet aspect-là, à intégrer ça. Mais c'est une maladie. Et très dur à guérir. Donc, vous ne pouvez pas espérer de changement. Mm-hmm. Il y a souvent des attentes. Ben, si je m'explique, si je parle, si on se parle, on va changer la relation. Non, ça ne marche pas. Ça va marcher, le temps que ça va marcher, mais ça va revenir vite, en tout cas. Ça revient vite parce qu'on a affaire à une structure de personnalité. Et de toute façon, plus vous parlez, plus vous vous calez, parce que tout ce que vous dites, pourrait être repris contre vous. Hein? D'après moi, c'est un narcissique qui a écrit ce que les policiers voulaient dire. C'est parce que vous êtes... Tout ce que vous pourrez dire sera retenu tout ce que vous pouvez vous. Dire, toute information pourra être réutilisée contre vous d'une façon ou d'une autre. Donc, le temps passe vite. Idéalement, oui, mettez le plus de distance possible, espacez les rencontres. Et si vous sentez que pour votre santé, il est préférable de couper les ponts, suivez votre instinct. Ouais, hein? Oui. Puis c'est de... Vu que ces personnes-là sont pas nécessairement en confiance, qui ont pas nécessairement confiance en eux comme elles le devraient, je pense que probablement aussi une aide pour prendre cette décision-là. On peut pas choisir du jour au lendemain. Moi, je parle plus à mon père, je parle plus à ma mère. C'est fini. Je veux plus rien savoir. Ou quand ils sont encore ensemble aussi, ça peut être aussi J'ai envie difficile. De vous dire, une relation saine devrait vous élever, devrait vous amener plus loin. Une relation malsaine va créer une sensation de doute et de confusion en vous. Vous ne serez pas certain si ce que vous sentez est vrai, pas vrai. Vous hésitez entre la raison et l'émotion, entre l'instinct et la réflexion. Une relation saine, vous n'avez pas ce type de problème-là décisionnel ou de réflexion. Une relation malsaine, vous êtes souvent dans le doute sur ce qu'il faut faire, comment le faire, et ça va prendre énormément de place dans votre vie. Une relation qui fait du bien, c'est une relation qui vous amène à vous développer, qui supporte vos choix de développement, de croissance, d'épanouissement. La personne qui vous aime va souhaiter que vous deveniez encore plus vous-même, encore plus épanoui, encore plus forte, et va supporter votre développement vers la force, vers l'autonomie, va supporter vos expérimentations. Elle peut vous dire, ça pourrait être dangereux, mais essaye-le, tu verras bien. Vous comprenez, elle ne viendra pas vous dire, c'est donc ben niaiseux ton choix de vie, ça n'a pas de bon sens d'aller là, t'es donc ben égoïste. Ça, c'est pas une personne saine. C'est une personne qui se met pas à votre écoute, qui se met pas à votre place, qui n'essaie pas de vous comprendre. Elle tente d'imposer sa vision des choses. Denis, merci. Denis Viel, là, c'est pas mon collaborateur pour rien. C'est parce qu'il y a une raison et c'est que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Puis ce matin, tu as fait encore la preuve que tu étais quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Merci beaucoup, Denis. C'est déjà terminé. Merci. On aurait pris encore une couple d'heures, je le sais. C'est sujet intense comme sujet, ça vient me chercher beaucoup. Et encore parce là, que on va... Écoute, à chaque semaine, je dis ça, on va en reparler, on n'a pas le choix. C'est le caractère, le type narcissique, je pense qu'on en voit de plus en plus avec la compétition professionnelle, avec la compétition personnelle. On a une société qui valorise beaucoup l'image et la réussite, la performance. Ça a cette conséquence-là. Merci, Denis. Je vais mettre tous les liens, s'il y a quoi que ce soit que tu veux, parce que je sais que tu animes des groupes de discussion aussi, je vais tout mettre les liens sur la page Facebook, les différents. Sinon, moi en terminant, il y a le livre d'Isabelle Nazar-Aga. Il y en a deux en fait qu'elle a écrit qui sont peut-être bien intéressants. Le premier, c'est, vous l'avez sûrement entendu, c'est « Les manipulateurs sont parmi nous ». Et l'autre, c'est « Les parents manipulateurs », c'est chez les Éditions de l'Homme. Je mettrai aussi les liens de ça.